Aujourd'hui, c'est la communion qui a dicté mon texte. C'est la communion qui a dicté où je devais me retrouver. Et aussi, dans mon besoin personnel, un besoin d'intimité avec Dieu. Un besoin d'intimité avec Dieu. Il y avait un petit garçon de 3 ans qui s'est retrouvé dans les bras de son papa dans une piscine. À 3 ans, évidemment, mon enfant, maintenant, moi, j'ai un enfant de 4 ans, ça nage pas fort. Ils aiment l'eau, mais ils n'ont aucune conscience que d'un moment à l'autre, si papa ne tient pas, c'est la noyade. Alors, ils se débattent, ils disent « Ah, laisse-moi aller, laisse-moi partir. » Alors, le papa tient son petit enfant et, pour le fun, il se dit « Moi, je vais me déplacer vers le côté de plus en plus profond. » Et le fils se met à... Mais là, il y a trop d'eau, évidemment. L'eau monte dans le cou du père. Le père tient son enfant. Et puis, l'enfant est de plus en plus insécure. Mais de façon réaliste, si l'enfant avait réfléchi, si l'enfant avait analysé la situation, il aurait réalisé que même quand il y a 2 ou 3 pieds d'eau, l'enfant se serait noyé. Que peu importe 6 pieds, 2 pieds, 12 pieds, l'enfant est incapable de survivre cet environnement-là tant qu'il n'a pas pris des cours. Mon fils prend des cours en ce moment. Alors, peut-être qu'à un moment donné, je le laisserai tomber dans le 12 pieds. C'est la même chose dans nos vies. Remarquez que souvent, on voit nos vies, on est dans l'anxiété parce qu'il y a toutes sortes de troubles, de problèmes qui viennent, qui s'abattent sur nous et on se dit, ah non, là, par exemple, il y a trop d'eau. Dieu, tu ne peux pas me tenir. Je vais me noyer. Et de toute évidence, si on avait réfléchi, dans les situations les plus petites, dans la vie quotidienne, si Dieu ne nous tenait pas, on se noierait. Mais c'est ce qu'on voit dans notre communauté, dans notre société, c'est que les gens se noient parce qu'ils ne sont pas tenus par Dieu, parce qu'ils ne sont pas dans les bras du Seigneur, ils ne sont pas dans l'intimité avec le Père qui est Dieu. C'est quoi l'intimité? Souvent, quand on pense à l'intimité, à quoi on pense malheureusement dans notre société moderne? Sexualité, la promiscuité, les relations... non béni par Dieu, disons. Évidemment, tous les jeunes adolescents, c'est un mouvement mondial où on voit que la promiscuité, la sexualité fait partie des mœurs de notre vie moderne. Donc maintenant, intimité égale cela. Mais c'est bien plus que cela. C'est bien plus que la sexualité et la promiscuité. Regardons ensemble dans Psaume 73. Psaume 73. Psaume 73, verset 27. Dans le psaume 73, verset 27, Asaph nous parle de sa relation avec Dieu. Et il dit, « Car voici que ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. » Psaume 63, 27. Ceux qui s'éloignent de toi périssent. Et verset 28, on voit l'envers de cette médaille-là. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Prions ensemble. Seigneur, mon Dieu, voilà notre désir de s'approcher de toi. Et on a tendance à mal comprendre. C'est quoi cette intimité-là qu'on peut avoir avec toi, Seigneur? Jésus est venu sur terre pour que nous puissions connaître et savoir qu'il est pleinement homme. Donc, on peut se rapprocher de lui en tant qu'homme. Mais on peut se rapprocher de toi, Dieu, en tant que fils, en tant que fille de Dieu, être dans ta famille. Il n'y a pas de plus belle intimité que la famille. Mon Dieu, simplement ouvre nos yeux. En ton nom, le nom de Jésus, nous prions. Amen. L'intimité, c'est connaître de près. Ce n'est pas compliqué. Donc, ça a très peu à voir avec la sexualité. C'est simplement connaître quelqu'un de près. C'est être familier avec quelqu'un. C'est avoir ce côté privé, personnel. Ah, ça commence à ressembler un peu à la relation qu'on essaie d'avoir avec Dieu. Hein? Connaître de près, privé, personnel, être un ami étroit. Être un ami étroit avec Dieu. Ça vient de intimus en latin, qui veut dire profondément. profondément. La sympathie, la dévotion, le patriotisme, tiens, c'est un des mots qui a un peu le même sens. Intéressant. Souvent, on est très intime avec notre pays, mais on ne l'est pas avec Dieu. L'amour mutuel, tout ça parle d'intimité. C'est intéressant de voir que les vérités théologiques reflètent la vie. Souvent, on pense que ah non, mais la théologie, c'est froid, c'est réservé pour les savants bibliques. Mais non, la théologie, si on la connaît légèrement, ça nous permet de mieux connaître ce que Dieu veut pour nous. Alors, dans Jean 1:1, un passage que vous connaissez, Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors ça, c'est presque l'air ésotérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, évidemment, quand on étudie ce passage-là, on le fera à un moment donné, c'est fascinant, tu vois, au grec, c'est waouh! Mais entre autres, ici, regardons ce que ça dit pour nous. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole ici, on sait que Logos nous parle de Jésus, hein? Le côté complet de Jésus, sa révélation. Bon, le mot pros, avec, pros en grec, veut dire simplement, très intéressant, une relation personnelle, intime, une relation intime. Donc, Jésus était intime avec Dieu. L'autre description de ce mot-là, pros en grec, c'est face à face. Dieu, Jésus et Dieu étaient face à face. On a tendance à faire ça avec nos amoureux ou avec des petits-enfants. Ah, on vient puis on prend leur visage tout près, tu sais. Puis les enfants, des fois, essaient de se tasser, tu sais. Puis nous, on veut que les enfants nous regardent. Allô, comment ça va? J'ai un enfant de 8 mois. Alors, je vis ça en ce moment. Et Jésus était comme ça avec son Père, très intime, très près. C'est ce qu'il veut pour nous. C'est ce qu'il veut pour nous. Donc, la théologie nous parle. Quel genre de relation avez-vous avec Jésus, avec Dieu? Est-ce que vous êtes avec Dieu un peu comme les chrétiens, c'est intéressant, ont tendance de se faire des accolades? Bonjour, comment ça va, mon frère? Très froid, tu sais, au Québec surtout, j'ai habité aux États-Unis longtemps, mais au Québec, les gens se donnent des bécots, tout ça, c'est très... Mais c'est étrange, les chrétiens, on est très inconfortables physiquement. Oh, attention, bon, sans parler de ça de façon plus spécifique, est-ce que c'est ce type de relation-là que vous avez avec Jésus? Bonjour. Un peu mal à l'aise. Comme on approche quelqu'un d'autorité, vous savez, un pasteur, peut-être pas un jeune pasteur comme moi, mais un pasteur avec une cravate, tout ça, on a tendance, bonjour, comment ça va, on est très réservé. Est-ce que c'est comme ça votre relation avec Dieu? Ou votre relation avec Dieu est, pour revenir à l'image d'un enfant, vous vous roulez avec lui, vous vous collez avec lui, vous voulez le chatouiller. C'est ce qu'on veut faire avec des enfants. Est-ce que votre relation avec Jésus est comme ça, évidemment, tout en respectant, on va parler de ça un peu plus tard, mais un côté chaleureux, ou comme on se colle avec son époux et son épouse quand on écoute un film ou assis sur un sofa quand il fait froid. Lequel des deux, où est-ce que vous vous voyez dans votre relation avec Jésus-Christ? Dans Galates, chapitre 4, verset 6, « Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Vous avez entendu parler de ce verset-là? Abba, Père. Il veut qu'on le traite comme un papa. Évidemment, je parle de ça encore parce que quelle joie de voir son enfant se garrocher vers soi et prendre sa jambe. Moi, j'étais encore une fois à la conférence la semaine passée et quand je suis revenu, mon fils Jude me dit « Ah, je me suis ennuyé de toi, papa. » Il n'y a rien de plus majestueux comme effet de voir qu'il nous aime naïvement, fraîchement comme ça. Tu sais. Évidemment, j'avais des cadeaux pour lui aussi, donc ça faisait partie de la raison pour laquelle on sait bien. Mais ça, c'est nous qui font ça. Hein? Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Donc, la relation père-fils, fille-père, est vraiment particulière. Là, on a tendance à l'oublier. Évidemment, on vient tous un peu d'un background catholique, on a été très exposés par le bon Dieu, le Père céleste, loin, distant. Alors, la Bible nous enseigne autrement. Cette relation Abba. Et Abba, c'est le mot hébreu qui veut simplement dire « Oh, papa, daddy, oh! » C'est la façon dont vous avez développé votre relation avec votre fils. Dans Éphésiens 2, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » Je ne peux pas me retenir. Hier, j'ai eu l'occasion d'aller dans une belle célébration familiale. très rare au Québec, une famille de chrétiens qui étaient tous ensemble. C'était merveilleux. Merveilleux. Et de voir ça, cette famille-là, ils se rencontrent toutes les deux semaines et ils viennent ensemble parce qu'ils s'aiment. Et puis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit, qu'il n'y a pas de difficulté. Attention, on n'est pas naïf. Mais ils viennent ensemble parce qu'ils veulent investir les uns avec les autres. Dieu nous permet ça avec lui, d'être dans sa famille. Est-ce qu'on vient? Est-ce qu'on sonne à la porte, comme les gens sonnaient à la porte hier? Ou on reste chez soi puis on se dit, oh non, il y a quelque chose de bon à TV, je n'ai pas besoin de voir ma famille aujourd'hui. Alors, quel genre de relation est-ce qu'on développe avec le Seigneur? Il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire sur ces passages-là. Il dit, l'image de l'étranger qui devient la famille, l'image se déplace du Commonwealth politique, un peu celui qu'on connaît, nous, avec l'Australie, l'Angleterre, vous savez, cette espèce de relation-là que le Canada a, à l'image intime d'une famille. Ceux qui étaient sans Dieu sont maintenant à la maison, dans sa famille. Ceux qui vivaient hors de la maison sont maintenant bienvenus à l'intérieur. Il y a quelque chose de chaud. Ceux qui sont en Christ sont les enfants de Dieu. On entend souvent, « Ah, ouais, moi, on est tous enfants de Dieu. » Je ne sais pas si tu parles avec des gens qui connaissent peu Dieu. « On est tous enfants de Dieu. » Ce n'est pas ce que la parole nous dit. Dans Jean chapitre 1, on nous dit qu'il faut... Il faut demander, il faut croire pour devenir enfant de Dieu. Donc, nous sommes tous création de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Même chose, moi, tous les enfants que je rencontre quand je suis allé en Afrique, en mission, tout ça, les enfants venaient puis se collaient sur moi. C'est tous un peu, on est tous connectés, on s'aime, je voudrais les aider, les nourrir, mais c'est pas mon enfant. Il y a toutes sortes de zones d'intimité, c'est intéressant. Et c'est des livres qui ont été écrits là-dessus. Il y a la zone publique, hein? 12 pieds. Alors, c'est à peu près, bon, c'est une petite église, 12 pieds, il faudrait que je me recule un peu, je trouve ça un peu trop poussé. La zone publique, 12 pieds et plus. Disons que dans ce cas-ci, c'est une zone sociale, j'essaie d'un peu plus près, entre 4 et 12 pieds, hein, entre la première ligne. Donc, ça, c'est plus chaleureux. La zone personnelle, c'est entre l'intime et le 4 pieds. Peut-être ouvrir la porte, je ne sais pas si c'est pour nous. Entre l'intime et 4 pieds. Alors, ça, c'est intéressant. Quand on rencontre des gens dans un party ou quelque chose, on ne veut pas que les gens viennent plus près que cette zone-là. Ça, c'est à peu près 4 pieds de distance. Okay? Tu sais, les gens, des fois, ils ont tendance à venir dans ton visage. « Salut, comment ça va? » Là, tu sens la laine ou tu te sens comme mal à l'aise. C'est comme « Ça va bien, je ne te connais pas, tu es trop près. » Cette zone-là, personnelle, on ne veut pas que les gens la transgressent. Vous avez remarqué? Et finalement, il y a la zone intime. Zone intime, 18 pouces jusqu'au corps. 18 pouces. C'est prêt, ça. Là. Alors ça, c'est un enfant ou ton épouse ou, encore une fois, un enfant avec ta mère. Moi, quand j'embrasse ma maman, c'est comme ça, tu sais. Donc, ces zones-là, on les respecte. Ça paraît pas, mais on calcule. On a presque des rubans à mesurer. Oh, t'es trop près. Intime, social. Puis, il y a des gens qui, dans un environnement public ou social, sont très mal à l'aise. Hein, sont incapables de communiquer en public parce qu'il y a cette espèce de distance-là. Encore une fois, où est-ce qu'on se retrouve avec Jésus-Christ? Dans l'intimité, dans le personnel, dans le social, dans le public. C'est quoi les outils de l'intimité qui sont disponibles à nous? Les outils qui forment l'intimité? Ben, premièrement, les outils d'intimité avec nos familles, nos amis, c'est quoi? C'est la communication verbale et physique. Pour que la famille, hier, puisse se rencontrer, ils devaient prendre leur voiture puis se retrouver dans la même maison. Puis ensuite, prendre le temps de se parler. Hein? Puis ensuite, se donner des câlins, ça, c'est côté physique. Avec Dieu, comment on fait ça? Malheureusement, on n'est plus comme dans le temps des apôtres où on pouvait littéralement s'asseoir près de Jésus, manger avec lui. Hein? Ça, quel beau cadeau! De passer du temps physique avec le Seigneur. Bon, ce n'est pas notre cas. Mais qu'est-ce qu'on a disponible comme outil? C'est de toute évidence la prière. C'est la prière. Un outil qu'on utilise trop peu. D'où l'idée d'avoir cette soirée-là, le vendredi soir, pour stimuler l'utilisation de l'outil. La prière n'a pas pour intention d'impressionner les gens, ni d'impressionner Dieu. La prière ne peut être vue avec une mentalité de succès. Oh, moi, je prie 4 heures par jour. So what? So what? Le but en prière, c'est de se donner soi-même. C'est de se donner soi-même. Donc, c'est vraiment un don de soi. Ça peut se faire en une demi-heure, rarement en 5 minutes, là. Mais en une demi-heure, ça peut se faire en 4 heures. Mais souvent, ça ne se fait pas parce qu'on ne se donne pas, parce qu'on est limité dans notre relation. Oh Seigneur, donne-moi quelque chose. On est très vague, on est très distant. Donnons-nous. Plus tu donnes, plus il y a cette relation-là. Le secret de la prière intime, je vous dirais, c'est la prière secrète. Le secret de la prière intime, la prière secrète. Oh, c'est bon, ça arrête. La prière secrète. La prière secrète, c'est quoi? C'est cette prière-là qui est privilégiée. Dans Marc, on a vu ça ensemble il y a près de deux semaines, Marc 1, 35, qu'est-ce que Jésus fait le matin? Il réveille tous ses apôtres et dit « Prions ensemble, tenons-nous les mains ». Non, il se recule, il s'en va tout seul dans le désert pour prier, pour être seul avec Dieu. Alors, il paye un prix. On dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, on disait à peu près 4 heures du matin, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Quelqu'un a dit « La récompense de la prière secrète est la prière elle-même, la bénédiction de se reposer dans la présence de Dieu ». La prière ne maintient pas uniquement la vie chrétienne, c'est la vie chrétienne. C'est ça qu'on oublie, c'est qu'on a tendance à rajouter la prière sur notre vie chrétienne en général. Mais non, mais la vie chrétienne, c'est la prière. Parce que c'est là que la relation se fait avec Jésus. C'est là qu'on devient intime. Peut-il y avoir de plus grande joie dans cette vie et celle à venir que d'être en communion avec le Dieu vivant? Parce que ce qu'on veut, finalement, c'est se retrouver au paradis dans la présence de Jésus. On souffre, on se dit, oh, il y avait un pasteur extraordinaire qui a enseigné cette semaine à la conférence. Puis, il disait, tu sais, puis tu sens qu'il parlait avec vérité, un monsieur peut-être une soixantaine d'années, puis 25 ans qu'il est pasteur, puis il disait, on a hâte, j'ai hâte. Puis il disait ça avec des larmes dans les yeux, j'ai hâte dans la présence de Jésus. Je ne peux pas attendre, C'est dur d'être ici. Bon, plus on est jeune, moins on a hâte. C'est normal. On se dit, il faut que je fasse toutes sortes de choses. Il faut que j'élève mes enfants, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Plus on s'approche du moment où on sera dans la présence de Jésus, plus on sent que c'est le temps et plus on a hâte. Donc, en quelque part, en attendant qu'on se retrouve avec Jésus, il ne faut pas se presser, il faut prier. C'est là qu'on se retrouve dans sa présence. Essayez d'avoir une relation particulière avec quelqu'un que vous aimez dans une pièce avec plein de gens. Vous savez, vous êtes allé dans des parties avec votre épouse ou votre époux. On sent comment je ne peux pas te parler, je ne peux pas me coller, je ne peux pas être vrai, Allô, tu sais, on est tout. On a besoin de se retirer, être seul avec son époux, avec son épouse, avec ses enfants, justement. Essayez d'avoir une belle relation avec votre enfant à la garderie, ça ne se fait pas. Vous y allez tout seul. Alors, c'est la même chose avec Jésus. Ce moment-là, étroit, secret, passez-le. Trouvez une façon personnelle à vous de passer un temps seul avec Jésus. Pour certains d'entre vous, ça peut être, je me lève le matin à 4h30, puis je prie, puis c'est comme ça, bon. C'est beau. Puis c'est évidemment, ça c'est associé à toute la culture des grands hommes et femmes de Dieu qui sacrifiaient leur matin. Pour certains d'entre vous, c'est une marche au lunch, à votre travail, plutôt que il faut que je travaille un peu plus ou je vais aller manger avec plein de gens puis je vais prendre une marche, je vais aller prier en marchant. Pour moi, la marche est un des moments le plus intimes avec ma relation avec Dieu. Je trouve que j'oublie ma maison, j'oublie mes problèmes et puis je peux parler avec le Seigneur. Trouver une façon d'être seul avec lui, d'être seul. Puis aussi, c'est pour ça qu'on invite les gens à être dans des petits groupes. Bon, ça, évidemment, dans une petite église, on est déjà un petit groupe, donc c'est merveilleux. On est comme intimes les uns avec les autres. Mais dans des grosses églises, on invite les gens toujours à se retrouver dans des petits groupes. Et même dans une église comme ceci, le vendredi, le mardi, c'est de se retrouver en petits groupes où vous pouvez être écoutés, où vous pouvez parler, vous pouvez prier les uns pour les autres. C'est ça aussi la foi. Ce qui est beau, c'est d'être ensemble. Qu'est-ce qui détruit l'intimité? Puis je ne vais pas approfondir ce point trop longtemps, parce que ça ne fait pas partie de notre journée là, avec la communion, mais... Il y avait un couple, c'est intéressant, leur 25e anniversaire de mariage, ils conduisent sur une petite route de campagne, s'en vont manger, et puis l'épouse se souvient, « Ah, chérie, tu te souviens, on était heureux, il me semble qu'il y a 20 ans, on était tellement plus près l'un de l'autre. Tu te souviens, dans le temps, on était en voiture, puis on était tout près l'un de l'autre en voiture, on se collait dans la voiture pendant qu'on s'en allait au restaurant. » Puis le mari, avec un petit sourire, il la regarde, il dit, « Chérie, moi, je n'ai pas bougé. J'ai toujours été ici, devant le volant. » C'est elle qui s'était repoussée. C'est elle qui, lentement, qui ne conduisait pas, s'était repoussée vers la fenêtre, qui s'était éloignée. Tu sais. Le mari ne peut pas bouger. Mais souvent, on a tendance à penser, « Oh, c'est Dieu. Dieu n'est pas là. Il n'est pas ici. Il n'est pas avec moi. Je ne le sens pas. Il n'a pas bougé. » C'est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. C'est nous, on est trop occupés. Oh, je suis chrétien. Oh, je suis pasteur. Oh, il faut que je fasse des choses. Oh, il faut que j'évangélise. Oh, il faut que je chante. Oh, il faut que je change le monde. Arrête. Stop. Reviens. C'est nous. Ou pour des belles choses, comme je viens de mentionner, ou il faut que j'aille voir des films, il faut que je bois un petit peu plus de vin aujourd'hui, un petit peu plus de célébration, j'ai rencontré une belle fille, un beau gars, ça m'éloigne de Dieu. Dieu attend. Il attend, il est patient, tu sais. Il est très patient. Revenez vers lui. Revenez vers lui. Donc, dans le psaume 73, ça dit que ceux qui s'éloignent périssent. Ceux qui s'éloignent périssent. Donc, il y a un danger d'être éloigné. Hein? Quand on est loin du Seigneur, on se sent comme... On se sent affaibli. On parlait tout à l'heure du fait que dans notre communauté, on est harassé, les pressions sont constantes. Si on n'est pas près de Dieu, on se fait basculer. On se fait basculer. Qu'est-ce qui nous éloigne? L'intimité avec le monde. L'intimité avec le monde. Donc, si on est des bons chrétiens, ce n'est pas un danger pour nous, mais soyons honnêtes. On a tendance à voir plus de films à la maison, au DVD, au cinéma, ou whatever, qu'on lit la parole. Moi, le premier. Ça, c'est l'intimité avec le monde. Hey, c'est Spider-Man 2. Ça, c'est cool. C'est ça, le monde. C'est moderne. C'est flashy. Non, mais ça, ici, il n'y a pas de petit collant. Puis il n'y a pas de. Il n'y a rien de flashy là-dedans. Donc, on a tendance à s'associer au monde. On s'éloigne de Dieu. Intimité avec le monde. Ensuite, l'intimité avec les autres inspirés par le monde. Surtout si on n'est pas marié, si on est seul dans cette société, les pressions sont fortes. Premièrement, il y a une pression qui est saine. On a envie d'être à deux parce que Dieu nous a appelés, la plupart de nous, à être mari et femme. Mais la société nous dirait, écoute, tu n'as pas besoin d'attendre de te marier, arrête de niaiser. Emménage au pire, ou au moins, tu sais, passe beaucoup de temps avec ta blonde, ton chum. Et tout ce mensonge-là, on voit les dommages que ça cause. C'est incroyable. Tu sais, finalement, les gens ne se marient plus parce qu'ils n'ont pas besoin d'être ensemble. Et l'intimité avec les autres basée sur le monde. Tu sais, l'intimité sans un engagement, c'est un mensonge. C'est ce que la société voudrait nous dire. Même chose avec Dieu, tout le monde est engagé. Il y a bien des gens qui disent, oh, moi, je crois à une surpuissance. Ah, oui, c'est... Mais je ne m'engage pas dans une église, je ne m'engage pas à lire la parole. Mais non, il ne faut pas exagérer, là, c'est un petit peu fanatique. Hein? Donc, l'intimité sans engagement, ça n'existe pas. L'intimité avec notre famille, elle est là parce qu'on s'engage à s'aimer. Peu importe ce qui se passe. Et on sait que dans nos familles, on se fait mal les uns les autres. Mais on ne lâche pas parce qu'on se dit, bon, on a le même sang, on est engagé l'un avec l'autre. L'intimité sans engagement est un mensonge. Engagez-vous face à Dieu. Engagez-vous face à Dieu. L'intimité avec Dieu nous amène à un autre niveau. On a tendance à être très superficiel dans la société, on le sait. Mais nos églises ont tendance à être superficielles, parce qu'on ne veut pas, on parlait de ça tout à l'heure, dans la conférence on parlait de ça, que de plus en plus les églises on cherche les seeker sensitive, on veut permettre aux non-croyants d'être à l'aise, on ne veut pas effriter trop. T'sais. L'intimité amène à un autre niveau, Un auteur qui s'appelle Calvin Miller, Into the Depth of God, dit ceci, en profondeur, c'est là où la surface de l'océan bruyante et agitée devient silencieuse et sereine. La plupart des croyants passent leur vie battus sauvagement par les circonstances superficielles de leur journée. Leur vie écumeuse marque la nature superficielle de leur vie. Cependant, ceux qui cherchent les choses profondes de Dieu découvrent une paix réelle pour la première fois. Et puis l'idée, c'est bien simple. Vous êtes tous allés à l'océan, le dessus, c'est écumeux. C'est sous les profondeurs qu'il y a une paix. C'est sous les profondeurs. Et donc, ça veut dire que nous, on doit s'approfondir dans la foi. Un bon enseignement va faire ça. Une bonne prière va faire ça. Un bon moment personnel dans la parole. Ah, wow, qu'est-ce que ça dit? Hey, c'est Esther, attends, là, je vais regarder un autre livre, puis approfondir. Pas juste une petite lecture de 3 minutes, OK, voilà. Donc, quand tu approfondis, tu es comme libéré de tous ces problèmes qui nous attaquent, qui nous bombardent. Ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est comme nos relations les uns avec les autres, avec nos épouses. Notre époux, ça se prend 5 minutes pour que tu investisses du temps, il faut que tu communiques, c'est pas facile. Elle et moi, ça fait 11 ans qu'on est ensemble, 10 ans mariés. C'est de l'investissement. C'est de l'investissement. Donc, évidemment, avec Dieu, c'est la même chose. Il faut investir cette énergie-là. Mais on reçoit tellement. Il nous donne tellement en échange. À quel point vous sentez-vous aujourd'hui où on se parle dans cette relation intime avec le Seigneur? Est-ce que vous sentez une relation privée, une relation personnelle? Ou plutôt une espèce de séparation? Souvent, comme je disais, les gens qui ne sont pas mariés cherchent cette intimité-là avec un homme ou une femme. Ils cherchent cette intimité-là parce qu'ils sentent qu'ils ont raison. Que l'intimité, souvent, nous rapproche de Dieu. Quand tu es quelqu'un qui est dans un bon mariage, et que tu fais le travail adéquat et que tu t'aimes, tu as comme une tranche de l'intimité avec Dieu. C'est comme, voilà, il n'y a rien de plus beau. Donc, ce désir-là de passer l'amour, c'est de se préserver finalement. Mais si on n'est pas dans une relation de mariage, c'est qu'on est appelé à chercher Dieu d'abord, et on sait qu'ensuite, Dieu vous amènera cette relation amoureuse qui vous donnera une autre facette de l'amour de Dieu. Encore une fois, avoir un enfant, c'est aussi ça, c'est d'autres facettes de cette intimité-là que Dieu veut nous donner. Sauf que si tu cherches le mauvais endroit, la mauvaise façon, tu deviens amer. Tu deviens distant, même par rapport à Dieu. Ah, Dieu, ça fait 10 ans que je cherche un chum, un mari, une blonde, une femme, tout seul, tout cœuré. Il y a une espèce d'amertume qui se fait en nous. Parce qu'on ne cherche pas au bon endroit, parce qu'on ne s'approche pas de Dieu de la bonne façon. Je veux juste vous laisser, avant qu'on fasse la communion ensemble, avec trois moyens très simples d'améliorer votre relation avec le Seigneur. Pour moi, pour vous, très simple. Premièrement, la solitude. La solitude, c'est l'action d'être seul. C'est de se réorienter sur l'éternité. Pas facile. Dans notre société, il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Il faut la chercher, cette solitude-là. Il faut la vouloir. Il faut s'éloigner. Ça vaut la peine. Aller sur le Mont-Royal, surtout quand c'est pas très beau dehors, pas grand monde, Mont-Saint-Hilaire. Prenez une demi-journée, une journée. Ah, Seigneur, j'ai besoin de tout temps avec toi. Je me retire. Je cherche cette solitude-là. Ensuite, le silence. La radio tout le temps. On est comme ça. Moi, je suis dans l'auto, la radio, dans la maison, la radio, la TV, les enseignements, ça n'arrête jamais, tu sais. Et puis, évidemment, le silence, quand t'es père, ça n'existe pas. Donc, il faut vraiment que tu te retires. Donc, d'où le but de la solitude. Mais c'est tourner notre esprit vers Dieu. Ça demande un silence. Dieu nous parle dans le silence, finalement. Je ne vous encourage pas à devenir des moines, mais simplement trouver des moments dans vos journées, dans vos semaines, où il y a un silence, où on éteint tous les trucs qui sont partout autour, de plus en plus faciles, les ordis, les machins. C'est bien le fun, tout ça, mais ça nous éloigne. Ça fait partie d'un plan, tu sais. Et finalement, le secret. Le secret, ça veut dire que c'est pas juste les autres. Il ne faut pas que je dise aux autres que c'est plus 4 heures. C'est pas ça. C'est le secret contre vous-même. Faites attention. Parce qu'on a des égaux. Moi, je fais un peu de prière. Très important pour moi. Je prie tous les jours. Cachez-vous à vous-même. Venez à Christ et puis ne vous impressionnez pas vous-même. Parce qu'à ce moment-là, vous devenez comme, ah, wow, je suis un homme de Dieu, je suis une femme de Dieu, je sais ce que je fais. Cachez-vous des autres, cachez-vous de vous-même. Donc, dans Psaume 73, ceux qui s'éloignent périssent. Et vous vous souvenez de l'autre partie du verset? Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Ah! Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Je place mon refuge. Alors aujourd'hui, on vient ensemble et on prend communion. C'est quoi cette communion-là? C'est justement une recherche d'intimité avec Dieu. C'est prendre la communion, c'est le seul instance où il y a un contact physique qui nous rappelle la présence physique de Jésus-Christ. Lorsque Jésus prit le dernier repas avec ses apôtres, il institua la Sainte Cène justement pour que 2000 ans plus tard, on puisse se souvenir de ce moment-là, pour qu'on puisse y faire partie finalement. Donc, prendre la communion, c'est ça, c'est venir ensemble. C'est trouver cette intimité-là les uns avec les autres parce qu'on fait toute la même chose au même moment. Mais c'est aussi surtout sentir cette présence-là avec Jésus. C'est un beau moment. La communion, c'est l'instance du partage. C'est ça que ça veut dire le mot communion dans le dictionnaire. L'instance du partage. C'est la fraternité intime. C'est la communication. Communion, c'est ça que ça veut dire communiquer. Donc, en quelque part, quand on prend communion, on communique avec Jésus de façon différente. Il y a la parole, il y a la prière. Il y a la communion fraternelle, quand on se retrouve, on prend des cafés et des biscuits. Et ensuite, la communion avec Christ. Quand on prend communion, c'est ça. On parle à Dieu, on vient à Dieu. Aussi, Dieu veut qu'on prenne une communion et au cœur même du mouvement que j'embrasse, le verset principal de ce mouvement-là, c'est Actes 2:42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, d'où la raison pourquoi on fait ça, semaine après semaine, avec de façon assidue. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, biscuits, eau, café, dans la fraction du pain. Fraction du pain, c'est ça, c'est la Sainte Cène, c'est le moment où on s'approche de Jésus. Et finalement, dans les prières. C'est bien, hein? C'est simple. C'est simple. C'est ça la foi chrétienne, c'est que c'est tellement simple. On n'a pas besoin de se casser la tête sur les murs. Qu'est-ce qu'on va faire pour que nos églises grandissent? Quatre choses. Tu fais ces quatre choses-là et ton église sera l'église que Dieu veut. Ta vie sera la vie que Dieu veut. Quatre choses. Rien de plus, rien de moins. Finalement, tournez ensemble dans votre parole 1 Corinthiens 11. Juste lire ce passage-là qui nous rappelle comment prendre la communion. Je sais qu'on l'a tous fait au préalable, mais c'est bien de retourner à la source. 1 Corinthiens 11, 23. La deuxième partie du verset. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, 1 Corinthiens 11, 23, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Personne va venir chanter une chanson, et pendant ça-là, je vous invite simplement à vous examiner vous-même. Quelle a été votre semaine, votre journée? Où est-ce que vous en êtes avec le Seigneur personnellement? Où est-ce que vous en êtes avec votre mari, votre époux, votre femme, vos familles? Examinez-vous vous-même. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui cherche l'intimité de la bonne façon ou qui, au contraire, a tendance à s'éloigner? Et s'éloigner, c'est s'examiner soi-même, c'est bien clair, c'est un genre. Confessez vos péchés. Si vous voyez des choses dans vos vies qui sont loin de la cible de Dieu, demandez-lui de ramener simplement votre tir plus près de la cible. Demandez-lui pardon. Et ensuite, on prend la communion ensemble.